السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نتحدث الليلة بإذن الله عز وجل عن غزوة عظيمة لا نظير لها، غزوة ظهر فيها شجاعة، ظهرت فيها شجاعة الصحابة، وأنهم أشجع القوم وأشجع الناس وأفضل الناس بعد رسل الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes en l'an 8 après l'égire du prophète صلى الله عليه وسلم, dans le mois de Jumad al-Oula. En quel mois sommes-nous actuellement? Jumad al-Oula. Donc cette bataille a eu lieu exactement durant ce mois-là, Jumad al-Oula, en l'an 8 après l'Hijr. Cette bataille se nomme Ghazwat Mu'tah. Ghazwat Mu'tah. Et d'autres ont dit Sariyat Mu'tah. Et on va voir l'avis des savants dans cette question. Et Mu'tah est une contrée qui se trouve Fisham. Et actuellement, c'est un endroit de la Jordanie, de l'Urdun. C'est un endroit de la Jordanie, fi Ardil Balqa. Donc l'époque, précisément c'est en l'an 8, dans le mois de Jumad al-Oula, comme l'a dit l'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Les gens de science ont divergé. Est-ce que c'est une ghazwa ou est-ce que c'est une sariya? Et nous avons auparavant étudié, lors de la bataille de Badr, est-ce que, yani, la terminologie des savants, des historiens et des savants de la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, que lorsqu'il disait ghazwa, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam participait à cette expédition militaire, et lorsqu'il disait sariya, c'est lorsque lui n'y participait pas, lorsque lui n'y participait pas. Donc nous interpelle ici qu'on appelle cette expédition Ghazwa, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, lui, n'est pas sorti avec les compagnons. Ceux qui ont appelé cela Ghazwat Mu'tah se sont basés sur plusieurs textes et plusieurs preuves. Premièrement, les paroles de certains compagnons, parmi eux Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui a participé à Ghazwat Mu'tah. Et dans ses dires, il a appelé cette bataille Ghazwa. Il a appelé cette bataille Ghazwa. radiallahu anhuma. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, il nous dit: fi ghazwati mu'tah amaran rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati mu'tah Zayd ibn al-Haritha radiallahu anhu. Il y a également une parole de Anas ibn Malik et d'un autre parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. D'autres parmi les savants ont dit que c'est une sariya, conformément à la terminologie des savants de la sira. Mais ceux qui ont appelé cela ghazwa en se basant sur la parole de Abdullah ibn Omar et d'autres, radiallahu anhum, ont répondu à cela en disant que les savants ont dit que as-sariya, pour pouvoir s'appeler ainsi, elle ne doit pas dépasser un certain nombre. Puis ils ont divergé dans ce nombre. Certains ont dit: il ne faut pas que ce nombre dépasse 400 personnes. Donc ils ont défini la sariya en disant: c'est une expédition militaire dans laquelle le prophète ﷺ ne participe pas, et le nombre de l'armée au total ne dépasse pas 400 personnes. D'autres ont dit moins et d'autres ont dit plus, d'autres ont dit 500 par exemple. C'est pour cela qu'ils ont dit c'est bel et bien une ghazwa. Et cela nous amène à la question suivante: combien étaient les musulmans lors de Ghazwat al-Mu'ta? Ils étaient 3000 hommes. Ils étaient 3000 hommes et jamais ils n'avaient été autant pour une expédition militaire. Rappelez-vous qu'à la bataille de Badr, ils étaient un peu plus de 310. Naam. Et à la bataille de Uhud, ils étaient le triple. Naam. Et là, ils étaient 3000 hommes. Ils étaient 3000. Et jamais, d'entre toutes les batailles, expéditions militaires, ils n'avaient atteint ce nombre-là avant ce jour. Elle se nomme donc Ghazwat al-Mu'ta. Et d'autres parmi les nobles savants disent Sariyat al-Mu'ta. Elle a également d'autres appellations. Parmi celles-ci, Jaysh al-Umara, l'armée des généraux. On appelle cette bataille, on la surnomme l'armée des généraux. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam envoyait ses hommes, il mettait combien de responsables à la tête de l'armée? Il mettait combien, dites-moi? Naam, un homme, n'est-ce pas? Dans cette bataille, il a nommé trois personnes. Il a nommé trois personnes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, passons à un point très important. Ma sababu hadhihi al-ghazwa? Quelle est la cause de cette grande expédition militaire? La cause est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, envoyait des lettres, na'am, aux différents gouverneurs, aux différents rois de la péninsule arabique et autres. Et il les invitait à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a fait avec Qaysar, comme il l'a fait avec Hirakl, avec Muqawqis et autres. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon qui se nomme Al-Harith ibn Umayr. Il a envoyé avec un écrit Al-Harith ibn Umayr, radiallahu anhu. Il l'a envoyé à Malik Bousra. Il l'a envoyé au roi de Bousra, vers Hisham. Et lorsque ce noble compagnon, radiallahu anhu, Al-Harith ibn Umayr, est arrivé à Mu'ta, naam, lorsqu'il est arrivé durant son voyage à Mu'ta, il y a un homme qui l'a arrêté. Et il lui a demandé qui était-il, d'où venait-il et où est-ce qu'il voulait se rendre. Et cet homme se nomme Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. Cet homme a dit Al-Harith ibn Umayr, où te rends-tu? Il lui a répondu, il a Sham. Alors cet homme lui a dit, tu es probablement un des messagers de Mohammed. Tu es probablement un des messagers de Mohammed. Il lui a répondu, Na'am. Ana Rasul Rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je suis l'envoyé du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme, Shurahbil ibn Amr, l'a attrapé. Il l'a enchaîné. Na'am, il l'a fait prisonnier et il l'a assassiné. Et il l'a assassiné injustement. Et il fut le premier ambassadeur qu'on assassine. Car vous vous souvenez dans le cours passé, كانت الرسل لا تقتل. Les ambassadeurs, na'am, on ne se permettait pas de les assassiner. Même lorsqu'ils commettaient une chose grave, comme lorsque sont venus les deux émissaires de Kisra. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les a informés de cela, qu'on ne tue pas les messagers, les ambassadeurs. Pareillement, les émissaires de Moussaïlima, Al-Kadhab, il les a informés de cela. C'est-à-dire que les messagers, les ambassadeurs, na'am, n'étaient point assassinés. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu cette triste nouvelle et cette grande injustice, il s'est mis en colère. Et il a appelé les compagnons. Et il a réuni les compagnons. Et il les a informés, na'am, de la future expédition en direction de Mu'tah, l'endroit dans lequel avait été assassiné ce noble compagnon, Al-Harith ibn Umayr, radiallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé cette armée. Combien étaient-ils? On a dit qu'ils étaient 3000. Et il faut retenir que c'est la première fois que les compagnons ont atteint ce grand nombre d'entre l'ensemble des expéditions. Le point suivant est un des points les plus étonnants de cette bataille. On a su que les musulmans étaient 3000. Combien étaient al-mushrikoun, al-Rum? Combien étaient les Romains? Na'am. 200 000. 100 000, 10 000, si c'est moi qui ai dit 10 000 en cours, c'est une erreur. Non. Ensuite, j'ai corrigé, c'est vous qui n'avez pas dû être présent. Combien? 100 000, 200 000, non. 100 000, tu dis quoi Yannis? 100 000. طيب اختلف أهل العلم في عدد جيش المشركين. Les savants ont divergé quant au nombre de l'armée des associateurs. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que l'avis prépondérant est qu'ils étaient en tout 200 000. Qu'ils étaient en tout 200 000. مئات ألف. نعم, 200 000 hommes. Ça, c'est l'armée de Ar-Rum seulement. 200 000, ça c'est un avis, c'est l'armée de Ar-Rum seulement. Wa min qaba'il al-Arab, et parmi les tribus arabes, na'am, qui n'étaient pas musulmanes, il y avait 50 000 hommes. Ça, c'est un premier avis. Un autre avis, Ar-Rum, les Romains étaient 100 000. Les Romains étaient 100 000. Et les tribus arabes, leur total 50 000. Naam, 50 000. D'autres ont dit Ar-Roum était 100 000. Et l'ensemble des tribus arabes a atteint le nombre de, ils ont atteint le nombre de 100 000. Donc en tout 200 000. En tout 200 000. Quoi qu'il en soit, ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est qu'ils étaient un nombre, naam, très très important. Et que leur nombre était largement au-dessus, naam, du nombre des musulmans. Ça, c'est ce sur quoi il n'y a aucun doute. Qui était Amiru Jaishi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam? Qui a été le responsable, le chef de l'armée du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'a envoyé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, les compagnons ont dit « Ammara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati mu'ta Zayd ibn al-Haritha » plutôt « Haritha » sans « elle ». Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a mis en responsable Zayd ibn al-Haritha, ibn al-Haritha. « Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam fa'in qutila » زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à la tête de l'armée Zayd ibn ibn Haritha. Naam. Et il a dit, et si Zayd meurt au combat, s'il est tué, alors ça sera Ja'far. Ça sera Ja'far qui prendra l'étendard et qui sera le remplaçant et le chef de l'armée. Et si à son tour Ja'far meurt au combat, alors ça sera Abdullah ibn Rawaha. Alors ça sera Abdullah. Ibn Rawaha, radiallahu anhum. Quant à l'armée des associateurs, les savants ont divergé qui était à leur tête. À la tête des Romains, beaucoup de savants ont dit que c'était Héracle lui-même. Et d'autres ont dit qu'il avait délégué. Et d'autres ont dit qu'il avait délégué. Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, a donc pris la tête de cette armée. Zayd ibn al-Haritha, qui est Zayd ibn al-Haritha? Radiallahu anhu. C'est le seul compagnon dont le prénom a été mentionné dans le Coran. C'est le seul compagnon, tu lis de Sourate al-Fatiha jusqu'à Sourate al-Nas, tu ne trouves pas le prénom d'un seul parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Tous ont reçu les éloges d'Allah dans le Coran, dans le Torah, dans l'Injil. Tous ont reçu l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, radiallahu anhum wa radhu an. Mais un seul a été mentionné par son prénom dans le Coran. Naam. Et c'est Zayd ibn Haritha, radiallahu anhum. Zayd ibn Haritha, qui est Zayd ibn Haritha? Wahibbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wabnu hibbu aïda. Zayd ibn Haritha. Et qui te dira qui est Zayd ibn Haritha? C'est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son fils Usama ibn Zayd était également le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, tellement qu'il les aimait. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam de prendre des décisions, et les compagnons ont voulu intercéder auprès de lui, et ils se sont dit, qui est-ce qui va parler au prophète alayhi salatu wassalam et intercéder en la faveur d'une telle? Ils ont dit, Usama, son bien-aimé, fils de son bien-aimé, رضي الله عنهما. Zayd ibn al-Haritha était énormément aimé du prophète alayhi salatu wassalam, à un point tel que Aïcha radiallahu anha a informé les compagnons de cela et a dit aux autres après qu'il l'envoyait, il aimait énormément Zayd ibn al-Haritha et il n'a pas envoyé une expédition militaire alors que Zayd était présent sans le mettre à la tête de l'armée. Et s'il était encore vivant, il l'aurait mis en calife. Radiallahu anhu. Ce fut donc la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomma trois responsables, les uns l'un après les autres, l'un après l'autre. Zayd ibn al-Haritha a donc pris l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce noble compagnon qui a fait la première hijra al-Habasha, ce noble compagnon qui a pris soin des autres compagnons, qui avait fait la petite hijra al-Habasha, a dit au messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu as mis autre que moi à la tête, alors que je ne crains pas, je n'ai pas peur. Ja'far s'est étonné. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé avant lui Zayd ibn Haritha alors que Ja'far était présent? Il lui a dit, ya Rasulallah, bi abi anta wa ummi ma kuntu arghab an tasta'mila alayya Zaydan. Au messager d'Allah, je ne souhaitais pas que tu mettes Zayd en responsable sur moi avant moi, comme s'il disait, je n'ai pas peur de m'avancer, pourquoi est-ce que tu mets autre que moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, umdu fa innaka la tadri afi dhalika al-khayr. Il leur a dit, avancez, tu ne sais certes pas où se trouve le bien. Et ici, il est à noter que lorsque Ja'far radiallahu anhu a dit cela, il ne voulait pas à travers cela critiquer Zayd. Mais il voulait être à la tête et se montrer chez Allah Azza wa Jal le meilleur. Et certes, cela a été fait, mais pas autre que lui. Il est à noter que Zayd ibn al-Haritha était le mawla, ou plutôt na'am mawla li mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'ancien servant du prophète alayhi salat wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou durant son vivant, après la mort de Zayd, bien après, il a levé une armée et il a mis à la tête de cette armée Usama, le fils de Zayd, radiallahu anhuma. Et à ce moment-là, certaines personnes ont parlé et ont parlé sur le fait de mettre Usama à la tête de l'armée. Comment ? Yani, ils se sont permis de débattre et de discuter l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam et l'avis du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ces gens-là, en réalité, comme l'ont dit les savants, pour beaucoup d'entre eux, c'était des hypocrites qui voulaient semer le doute et qui voulaient émettre des doutes et faire susciter le doute sur les avis du prophète alayhi salatu wassalam, comme à leur habitude. Savez-vous quel âge avait Usama ce jour-là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam l'a mis à la tête d'une armée dans laquelle il y avait Abu Bakr et Omar. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans, bien plus jeune que la plupart d'entre nous. Mais c'était un homme comme aucun homme n'est présent parmi nous. Et c'est le fils de ce noble compagnon, Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu. Et lorsqu'ils ont parlé sur Usama et sur le fait de qu'il soit à la tête de l'armée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِنْ كَانَ تَطْعَنُونَ فِيهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous critiquez le fait qu'il soit à la tête de l'armée, vous avez certes fait pareil pour son père avant lui. Ça, c'est la preuve que certains ont parlé sur Zayd. Naam, sur le fait qu'il soit à la tête de l'armée pour la ghazwa de Mu'ta. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, a juré par Allah et a dit, « Wa aymullah, in kana la khaliqan lil imara. » Il a juré par Allah qu'il avait sa place à la tête de l'armée. Mais Usama ibn Zayd, radiallahu anhuma, s'est arrêté d'avancer avec son armée. Pourquoi? Parce qu'on a entendu que le prophète alayhi salatu wassalam était proche de décéder. Naam. Par la suite, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, Abu Bakr a dit à Usama, lève ton armée et avancez. Naam. Et il n'a rien changé de ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait ordonné. Car Abu Bakr est resté sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir juré qu'il était en droit d'être à la tête de l'armée, il lui a donné une thèse qui est azima. Il lui a fait une éloge et a informé d'une chose. Naam, qui vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Il a dit, wa in kana la min ahabbin nasi ilayhi. C'est-à-dire, Usama, le prophète sallam a dit, et il fait partie de ceux que j'aime le plus. Allahu Akbar. Ba'da Abi, il a dit, c'est un de ceux que j'aime le plus après son père. C'est-à-dire que le prophète, alayhi sallam, aimait énormément Zayd. Et il aimait énormément Usama. Naam. Donc on retient que Ja'far n'a pas critiqué Zayd. Mais il a voulu se montrer le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. On remet. Aïcha, radiallahu anha, comme l'a rapporté l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, nous dit, ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلا أمر زيد بن حارثة ولو كان حيا بعده لاستخلفه. عائشة رضي الله عنها نجي que le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas envoyé une délégation, une armée, alors que Zayd était présent, si ce n'est en le mettant à la tête de l'armée. Ma ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn al-Haritha illa ammarahu alayhi. Wa law kana hayyan ba'dahu istakhlafa. Le dernier point avant d'avancer, c'est qu'on remarque que dans cette grande armée, il n'y avait pas les plus grands compagnons. Il n'y avait pas Abu Bakr, il n'y avait pas Omar, il n'y avait pas Othman, il n'y avait pas Ali, il n'y avait pas Abu Ubaïda, Naam, et d'autres parmi les grands compagnons. Quel est le nom de Abu Ubaïda qui fait partie des 10 promus au paradis? Abu Ubaïda, c'est sa kunya. Quel est son prénom? Il était grandement aimé du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui donnait beaucoup de responsabilités. et beaucoup de considération. Et pareillement pour les califes après lui. Il s'appelle Amir. Naam. Il s'appelle Amir radiallahu anhu ibn al-Jarrah. On doit connaître ces noms-là, ces emblèmes de l'islam. Il fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les 10 qui ont été mentionnés dans un même hadith en disant qu'ils font partie des habitants du paradis. Naam. Avec Abdurrahman ibn Auf, avec Az-Zubayr ibn Awwam, avec Sa'd et Sa'id. Lorsque les musulmans se sont préparés, proches de Médine, ou non loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont venus pour leur dire au revoir et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, baka, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Ils lui ont donc demandé pourquoi est-ce que tu pleures. Et il a répondu, Ama wallah, ma bi hubbu dunya, wala sababatun bikum, walakinni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u ayatan min kitabillah yadhkuru fiha an-nar, wa in minkum illa wariduha, كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم سالمين عبد الله بن رواحة lors des adieux s'est mis à pleurer. Alors les gens lui ont dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a répondu رضي الله عنه, par Allah, je ne pleure pas par amour pour ce bas monde, ni parce que vous allez me manquer, ou une parole proche de cela, mais j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une fois lire un verset du livre d'Allah. Et il y était mentionné l'enfer. Il fait référence au verset dans Sourate Maryam, dont la traduction des sens est et tous parmi vous ira, yani aura à y passer. Et ceci est un décret inéluctable de la part de ton Seigneur. Dans le tafsir, tu trouves que c'est As-Sirat. Que c'est As-Sirat. Et d'autres parmi les savants disent c'est le feu. Naam. Que tout le monde devra passer par le feu, si ce n'est que pour les croyants. Naam. Et ça ne sera pas un mal. Et ensuite ils seront sauvés. Et pour les autres, ça sera un mal. C'est la cause pour laquelle il s'est mis à pleurer. Alors les musulmans, en leur disant au revoir, ont fait des duas, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah repousse de vous, qu'Allah vous fasse revenir. Dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Rawaha s'est mis à prononcer des vers de poésie en disant Lakinnani as'alu ar-Rahman maghfiratan wa darbatan dhat farghin takhdhifu ar-rabada aw ta'natan bi yaday harran مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. عبد الله بن رواحة lorsqu'ils ont invoqué en leur faveur et qu'ils ont demandé à Allah de les accompagner, de les défendre et de les faire revenir sains et saufs, il a dit avec des vers de poésie, quant à moi, Je demande au tout miséricordieux son pardon et d'être touché ou de recevoir, c'est-à-dire les armes des ennemis en moi, une lance qui me transpercera à un point tel que lorsque le passant passera près de moi, alors que je serai mort, il dira « Oh, comme il a été guidé, quel brave combattant, il était certes sur la droiture. » Vous reviendrez à plus avant pour la traduction des paroles, car je n'ai pas pu les traduire. Puis ils se sont avancés. Puis l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé jusqu'à arriver à un endroit qui s'appelle Ma'an. Jusqu'à arriver à un endroit qui s'appelle Ma'an. Et cet endroit se trouve Fisham. Héracle a reçu l'information de l'arrivée de l'armée des musulmans. Il se trouvait à Belqa avec un nombre incommensurable de soldats et avec lui une armée composée de différents soldats des tribus arabes, qad tanassaru. À ce moment-là, ils sont restés à Ma'an durant 2 nuits. Watashawaru, ils se sont consultés pour savoir comment agir. Ils étaient 3000 et en face d'eux, il y avait plus de 100 000 hommes. Alors ils se sont consultés, qu'allons-nous faire? Un premier groupe a dit, Naktubu ila Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, fanukhbiruhu bi'adadihim, fa imma yumiddana birrijal. Le premier groupe a dit, écrivons au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, informons-le du nombre de l'ennemi. À ce moment-là, soit il nous enverra des renforts, des hommes, soit il nous ordonnera ce qu'il voit et on fera ce qu'il nous commande. Et chacun a apporté son avis. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Rawaha, retenez le nom de cet homme, Abdullah ibn Rawaha, le troisième amir de cette armée, il s'est levé et il leur a dit à Qawm, Ya ayyuhan nas, ô mon peuple, ô vous les gens, Wallah, inna allati takrahoun, lallati kharajtum tatlouboun. Il leur a dit, oh vous les gens, ce que vous détestez à cet instant, c'est exactement ce pourquoi vous êtes sortis. Oh vous les gens, ce que vous détestez à cet instant, ce que vous redoutez, c'est exactement ce pourquoi vous êtes sortis. Wa ma nuqatilu an-nas bi'adadin wa la quwwa wa la kathra. Et on ne combat pas les gens avec notre nombre, notre grand nombre, notre force, ou autre. وَمَا نُقَاتِلُهُمْ وَمَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ وَاللَّهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَ فَمَضَ النَّاسِ. Abdullah ibn Rawaha s'est levé au milieu d'eux. Et il leur a dit, ô vous les gens, ce que vous détestez à cet instant, c'est ce que vous recherchez. Ce que vous êtes sortis rechercher. Et on ne combat pas les gens par notre grand nombre, ni notre force. Mais avec cette religion par laquelle Allah nous a honorés, avancez donc. Et on ne sortira qu'avec l'une de deux bonnes choses. Soit on remportera cela, soit Allah nous choisira et on sera élu en décédant ici. Alors les gens ont dit, certes, ou par Allah, Abdullah a dit la vérité. Puis ils ont avancé, déterminés à l'image d'un seul homme, au cœur le plus fort. Dans une version, il a été mentionné que Abu Hurayra radiallahu anhu, lorsqu'il a vu ce grand nombre, s'est étonné. Et là, un compagnon lui a dit, Tashhaduna yawma Badr. Il lui a dit, Yani, certes, tu as été étonné devant leur grand nombre. Abu Hurayra l'a dit, certes, oui. Puis l'homme lui a dit, est-ce que tu te souviens de nous à la bataille de Badr? Mais Abu Hurayra n'est venu en islam que bien après. Alors il lui a dit, certes, on a remporté le combat pas à cause de notre nom. Naam. Et là, ça a rassuré Abu Hurayra radiallahu anhu, ou bien ça a renforcé sa détermination. Si ce n'est que les savants, si ce n'est que des savants ont dit que cette chaîne de transmission n'était pas, yani que ce récit n'était pas authentique. Quoi qu'il en soit, ce sens-là est réel. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran et combien d'armées ou de petits groupes, naam, ont battu de grands groupes, bi-idhnillah. Wallahu ma'as-sabirin. Dans une autre version, a été mentionné qu'en chemin, avant d'atteindre les Romains, certaines tribus ont agressé l'armée de Zayd. Naam, et ils ont blessé certains parmi eux et ont même tué l'un parmi eux. Alors certains parmi les compagnons ont dit à Zayd, rebroussons chemin, naam, et allons en découdre avec eux. Mais Zayd, radiallahu anhu, a jugé plus sage de continuer afin de ne pas combattre deux ennemis. Naam, l'un devant les Romains et les autres derrière ces différentes tribus. Wallahu a'lam bi as-siha. Ils se sont donc avancés comme un seul et même corps, comme doivent être les musulmans. Lorsqu'ils sont arrivés à Mu'ta, donc en chemin, ils ont jugé que Mu'ta était l'endroit le plus propice au combat. Car devant leur faible nombre et devant cette grande armée, il fallait une stratégie. Il fallait élaborer une stratégie des plus judicieuses pour subir le moins lourd tribut et le moins de pertes possible. Et devant la, yani le paysage, ils ont jugé que Mu'ta était l'endroit le plus adéquat. Et c'est là que l'armée des associateurs et l'armée de Zayd ibn al-Haritha se sont rencontrés. Zayd ibn al-Haritha a placé ses hommes, les hommes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis comme responsable à al-Maymana Qutbata. Il a mis donc à droite un homme qu'on appelle Qutbah. Et d'autres ont dit que ça n'était pas un qaf mais d'autres lettres. Il a mis à l'Al-Maysara, à gauche, Ubada, Ibn Malik, Al-Ansari. Et il a placé d'autres hommes. Naam. C'est alors que les musulmans se sont avancés. Et Zayd ibn al-Haritha a combattu Et il portait l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui lui avait remis en main propre. Et il a combattu avec la plus grande bravoure, jusqu'à être blessé, puis jusqu'à décéder au combat, radiallahu anhu. Il a reçu une lance. Il est tombé et l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé. C'est alors que Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ce noble compagnon et bien-aimé du prophète alayhi salatu wa sallam, a ramassé l'étendard du prophète alayhi salatu wa sallam, afin que la parole d'Allah azza wa jal ne reste que la plus haute, et elle est ainsi. Il a donc combattu et s'est avancé avec la plus grande bravoure. Na'am. Et il ne cessait de recevoir des flèches. Et il ne cessait d'être blessé par l'épée de l'ennemi. Mais il combattait. Il ne se tournait même pas. Il ne rebroussait pas chemin. Et c'est alors qu'il a fait une chose que personne n'avait faite avant lui. Il est descendu de son cheval. Il a sauté de son cheval. Il a attrapé son cheval et il l'a sacrifié. Puis à pied, il a pris l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam dans sa main et il a combattu avec sa main gauche. Radiallahu anhu. C'est alors qu'ils lui ont coupé la main droite. L'étendard du prophète alayhi salatu wassalam est tombé au sol. Il a ramassé l'étendard avec sa main gauche. Et il a combattu. Et il n'a pas voulu laisser l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam sur le sol. Et c'est alors qu'ils lui ont coupé la main gauche. Radiallahu anhu. Puis il a ramassé l'étendard et il l'a serré comme ça avec ses deux bras. Il a tenu l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam avec ses avant-bras. Il a resserré ses avant-bras afin que l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam subsiste le plus haut. Il reste que le plus haut. Radiallahu anhu. Et il n'a cessé de combattre. Et il n'a cessé d'avancer. Il n'a pas à une seule seconde tourné. Il n'a pas à une seule seconde rebroussé chemin. Il n'a pas fui. Il ne s'est pas sauvé. Jusqu'à mourir. Radiallahu anhu est tombé martyr. Wa huwa ibnu 33 sana. Il avait que 33 ans. Il hafid ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, si mes souvenirs sont bons, dis-lui, il a plutôt dit, non, mais il a plutôt atteint aux alentours de 40 ans. Il est plutôt arrivé aux alentours de 40 ans. Sinon, beaucoup de savants disent qu'il avait 33 ans. Radiallahu anhu. C'est un des hommes les plus courageux ayant foulé le sol de cette terre. Et du fait qu'il a subi cette grande épreuve et qu'il s'est montré des plus braves et des plus fermes dans la religion d'Allah Azza wa Jal, il a secouru la religion d'Allah. Il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa athabahu Allah. Allah l'a rétribué et il a fait savoir, il a annoncé la bonne nouvelle à sa famille, qui était l'épouse de Ja'far, Asma bint Umays, radiallahu anha. Et il a fait savoir à sa famille, et il a fait savoir à ses proches, sur la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, cette grande nouvelle, qu'Allah Azza wa Jal lui a remplacé par deux ailes. Du fait qu'il a perdu ses mains au combat, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé des ailes et lui a accordé de voler et de fréquenter les anges. Et de voler où il le souhaite. Dans le recueil de l'imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala, Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, Asma bint Umays a salué le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu. Et Asma bint Umays, comme nous l'avons appris dans le cours passé, c'est l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, puis il a fait un geste avec sa main. Il a fait un geste comme ça avec sa main. Puis il a dit, « Ya Asma, hadha Ja'far ibn Abi Talib. Oh Asma, voici Ja'far ibn Abi Talib, c'est-à-dire ton époux. Il est avec Jibril, alayhi salam, et Mikaïl, alayhi salam. » وقد مروا وسلموا علينا فردي عليهم السلام. Ô Asma, voici Ja'far ibn Abi Talib, accompagné de Jibril alayhi salam et de Mikaïl alayhi salam, et ils nous ont salués, alors rends-leur le salam, et rends-leur le salam. Et certes, il m'a informé, c'est-à-dire Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, qu'il a rencontré les associateurs, c'est-à-dire que Ja'far a raconté au prophète alayhi salatu wassalam ce qui s'est passé durant le combat. Il a rencontré les associateurs et il a été touché dans son cœur, dans son corps, de tant et tant de blessures et tant de coups. Et ils lui ont coupé la main droite, puis ils lui ont coupé la main gauche. Et Allah m'a remplacé par mes membres par deux ailes. Et il me permet de voler où je veux. Et il me permet de voler où je veux. Alors Asma, son épouse radiallahu anha, dit au prophète alayhi salatu wassalam, Hani'an li Ja'far ma razaqahu Allahu min khayr. Asma radiallahu anha a dit bonne nouvelle à Ja'far, ce qu'Allah azza wa jal lui a accordé comme bien. Alors le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers les musulmans. Alors le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers les musulmans et il a informé de cette grande nouvelle. Dans une autre version, Asma radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, informe les musulmans de cela de peur qu'ils n'aient pas foi en ma parole. C'est une chose tellement grande et un honneur tellement immense qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ja'far, que Asma a voulu que les croyants entendent cela de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, et afin qu'il n'ait aucun doute sur cette information. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a appelé les croyants et il a informé les croyants qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ja'far des ailes et lui permet de voler où il veut et qu'il est en compagnie des anges. Et à partir de là, Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu a été surnommé Ja'far al-Tayyar. Il a été surnommé Ja'far al-Tayyar, celui qui vole. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Omar nous raconte lorsqu'il a vu Ja'far ibn Abi Talib, car Abdullah ibn Omar fait partie de ceux qui ont participé à cette bataille radiallahu anhum. Les enfants des Sahaba étaient les hommes les plus braves, les plus forts. Il n'y a jamais eu avant eux semblable, il n'y aura jamais plus après eux d'égal, leur égal. Ja'far ibn Abi Talib était allongé. Abdullah ibn Omar nous raconte lorsqu'il a vu Ja'far sur la place du combat. Et il nous dit, j'ai vu Ja'far ibn Abi Talib. Il avait plus de 90 blessures. J'ai vu Ja'far ibn Abi Talib. Il avait plus de 90 blessures dues aux flèches et aux coups, ou bien dues aux lances et aux flèches. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il n'y avait pas une seule blessure dans son dos. Allahu Akbar. Il n'y avait pas une seule blessure dans son dos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était courageux, ça veut dire qu'il ne s'est pas tourné, ça veut dire qu'il n'a pas rebroussé chemin, ça veut dire qu'il ne s'est pas sauvé, qu'il n'a pas tremblé, il n'a pas eu peur, radiallahu anhu. Et ça montre son grand courage, hors du commun, radiallahu anhu. Il y a d'autres versions qui mentionnent d'autres nombres de blessures, plus de 50, plus de 70, wa hakada. Quoi qu'il en soit, c'est un des hommes les plus courageux, radiallahu anhu. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il passait le salam aux enfants de Ja'far, il disait, lorsqu'il passait le salam au fils de Ja'far, Abdullah, il se prénomme Abdullah, il lui disait, Assalamu alayk, yabna dhil janahayn. Assalamu alayk, ô toi, le fils de l'homme aux deux ailes. Ô toi le fils de celui qui a deux ailes. Donc Ja'far était connu pour cette grande chose, cette grande faveur qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordée. On trouve également dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ja'far ibn Abi Talib est décédé et qu'Allah Azza wa Jal informait le prophète alayhi salatu wa sallam de cela, il a réuni sa famille, il a réuni ses enfants. Il les a embrassés et il était énormément affecté. Et il leur a dit, Hani'an. Il a dit à son fils, Hani'an lak. Abouk yatiru ma'al malaikati fis sama. Bonne nouvelle à toi, certes, ton père vole avec les anges dans le ciel. Ton père vole avec les anges dans le ciel. Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a fui pour sa religion à El Habasha, celui qui a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam lors de l'ouverture de Khaybar, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je ne sais pas si je dois plus me réjouir de l'ouverture de Khaybar ou bien du retour de Ja'far, radiallahu anhu. Celui à propos duquel, lorsqu'ils se sont disputés, la fille de Hamza, radiallahu anhu, il a dit, Ashbahta khalqi wa khuluqi, tu me ressembles dans mon apparence et dans mon comportement. Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة. Lorsque Ja'far ibn Abi Talib est décédé, عبد الله بن رواحة a pris l'étendard. Il est monté sur son cheval, puis il s'est avancé. Et dans certaines versions, on trouve qu'il a quelque peu hésité. Puis il a dit certains vers de poésie. أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشدوا رنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. Il a enduré, il a ordonné à son âme de ne pas hésiter de s'avancer. Et il a dit, je jure, ô toi mon âme, que tu vas avancer. Tu vas avancer ou je vais te contraindre à avancer. Puis il a mentionné le combat. Et il lui a dit, comment se fait-il que je te vois détester le paradis? Avance-toi. Et tu étais certes auparavant apaisé. Il a dit d'autres paroles. Et j'ai oublié de mentionner ce que Ja'far ibn Abi Talib avait dit. Lorsque Ja'far ibn Abi Talib a pris l'étendard, il s'est avancé et il a dit, Ya habbaza al-jannah wa iqtirabuha, tayyibatan wa baridan sharabuha. والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. Il se matérialisait le paradis devant lui et il se rappelait la nourriture du paradis et sa boisson et il menaçait les Romains et les dénigrait. Donc Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu s'est avancé en prononçant ces mots, Aqsamtu ya nafsu la tanzilanna, et il s'est motivé ainsi. Et d'autres parmi les savants ont dit que cette hésitation n'est pas authentique. Comment est-ce qu'elle pourrait l'être alors qu'on a vu que c'est lui qui a motivé l'ensemble de l'armée lorsqu'ils se sont consultés mutuellement? Et dans le cas où c'est avéré, c'est une hésitation tout à fait naturelle chez l'homme et elle est très légère. Naam. Et ensuite il a enduré et s'est avancé, radiallahu anhu. Il a également dit, « Ya nafsu illa tuqtali, tamuti, hadha himamul mauti qad suliti. Ô toi mon âme, si tu ne meurs, si tu n'es pas assassiné ici, tu mourras quand même. » Puis il dit plus loin, « Wa ma tamannayti qad u'titi, in taf'ali fi'lahuma huditi. » Il lui dit, et ce que tu souhaitais auparavant, tiens, on te l'a donné. Et si tu agis comme ces deux-là, tu auras obtenu la droiture. Comme ces deux-là, c'est-à-dire Zayd ibn Haritha et Ja'far ibn Abi Talib. Puis il s'est avancé, radiallahu anhu. Puis il s'est avancé, radiallahu anhu. Et il a combattu. Et il sait, et il a, avant cela, il a entendu les bruits des épées et les bruits de la rencontre avec l'ennemi. Et là, il a foncé vers l'ennemi et il a combattu comme l'homme le plus brave, radiallahu anhu, jusqu'à décéder à son tour. Alors les musulmans se sont retrouvés sans et responsables. Et ceci est une chose très dangereuse lors d'un combat. Alors un homme qui se nomme Thabit ibn Arqam a pris l'étendard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, vous les musulmans, mettez-vous d'accord sur un dirigeant. Ils lui ont dit, c'est toi désormais notre dirigeant, mais lui il a refusé. Il a dit, non, choisissez un homme parmi vous. Et c'est alors qu'ils se sont mis d'accord sur Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'informait de ce qui se passait durant le combat. Il est venu dans la mosquée, il est monté sur le minbar. Et les croyants étaient devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Et il a dit, « Akhadha ar-raya Zayd ibn Haritha, faqatala hatta qutil, thumma dharafat aynah. » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Il a dit, « Zayd ibn Haritha a pris l'étendard. » Et il a combattu jusqu'à mourir. Puis, ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقتل حتى قتل. Puis il a dit, Ja'far ibn Abi Talib ensuite a pris l'étendard, il a combattu jusqu'à mourir. Et les larmes du prophète عليه الصلاة والسلام coulaient sur son visage. Puis il a dit, فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل حتى قتل. عبد الله بن رواحة a ensuite pris l'étendard, il a combattu jusqu'à mourir. Puis il a dit, ma yasurruna an yakunu indana. Puis il a dit aux croyants, puis il a apaisé les croyants en leur disant, et sachez qu'on n'aimerait pas qu'ils soient à ce moment-là même avec nous. Naam, on n'aimerait pas qu'ils soient en ce moment-là parmi nous. Lima wajadu min al-khayri indallah. De par le bien qu'ils ont trouvé auprès d'Allah. Thumma akhadha ar-raya Khalid ibn al-Walid min ghayri imra. Sayfun min suyufillah. يفتح الله علي وفي رواية اللهم افتح علي اللهم افتح علي. Puis le prophète alayhi salat wa salam nous dit, c'est alors que Khalid ibn al-Walid a pris l'étendard sans qu'auparavant je ne l'ai désigné. Une épée parmi les épées d'Allah par lequel Allah accordera la victoire. Dans une autre version, il a fait dua, oh Allah, ouvre-lui, accorde-lui la victoire. Dans une autre version, oh Allah, secours-le. Et Khalid ibn Walid s'est avancé. Il a combattu et c'était un grand général. C'était un homme, un des hommes les plus forts et un des hommes les plus savants dans l'armée. Et cela même avant l'islam. Alors il s'est avancé. Il a combattu et les croyants ont combattu avec lui. Puis, il a fait une chose qu'on ne connaissait pas. Il a établi une tactique militaire afin de tromper l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait ? قلب الميسرة فجعلها إلى الميمنة وقلب الميمنة وجعلها في الميسرة والساق إلى الأمام والأمام إلى الساق وهكذا. Khalid ibn Walid a été guidé par Allah Azza wa Jal pour faire une chose qu'on n'avait jamais vue. Il a ordonné ceux qui étaient à droite de passer à gauche, et ceux qui étaient à gauche de passer à droite, et ceux qui étaient à l'arrière de passer à l'avant, ceux qui étaient à l'avant de passer à l'arrière. Lorsque les Romains ont vu cela, lorsqu'ils ont regardé, ils n'ont plus reconnu les mêmes hommes. Alors la peur est rentrée dans leur cœur. Et ils ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé le renfort. Alors ils ont commencé à avoir peur. Et Khalid Walid avançait. Et en même temps, il faisait sortir petit à petit l'armée. Ainsi, il a pu délivrer les musulmans de cette grande armée. Et ils ont pu repartir. Et malgré cette grande armée, il n'y a que 10 personnes dont le nom a été mentionné qui sont décédées au combat. Que 10 personnes, alors qu'ils étaient 3000 contre toute cette grande armée. Donc Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, ce fin stratège, a réussi à repartir finalement avec l'armée suite à cette tactique à laquelle il a été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver l'armée des croyants. Mais sachez qu'avant de partir avec l'armée, il a combattu, il est allé de l'avant, et les croyants pareillement avec lui, et ils n'ont pas fui le combat. Parmi ceux qui prouvent cela, c'est que Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu nous dit « قَدْ دُكَّتْ فِي يَدِي تِسْعَةُ أَسْيَافِ يَوْمَ مُؤْتَ » Dans une riwaya, « كَسَرَتْ » Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu nous dit « C'est brisé dans ma main 9 épées le jour de la bataille de Mu'ta. » Des épées, subhanallah. Tellement qu'il était fort, brave. Naam, qu'il a cassé 9 épées. Puis il a dit, il n'y a qu'une épée yéménite qui a réussi à rester avec moi. Une épée ou une autre arme. Proche de cela. Et ça n'est qu'après que Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, a petit à petit fait sortir les musulmans de cette grande bataille, et ils ont tous pu, bihamdillahi, tabaraka wa ta'ala, wa i'anatihi, rentrer à Al-Madinah. Et parmi les grands signes de la prophétie, les grands miracles qui ont été accordés au prophète alayhi salat wa salam, qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'après la bataille, on a envoyé un homme pour informer le prophète alayhi salat wa salam de ce qui s'est passé. Mais le prophète alayhi salat wa salam, avant même cela, Allah l'avait informé. Il était monté sur le minbar et il avait informé du décès de ces 3 umara et du fait que Khalid ibn al-Walid avait pris al-Imra par la suite, radiyallahu anhum. Donc c'est un grand miracle et ça prouve que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Ala ibn Umayyah est arrivé de Mu'ta et il a dit au prophète alayhi salatu wasalam, il s'est passé ceci, puis un tel est décédé, il s'est passé cela, puis le deuxième est décédé, puis il a raconté exactement mot pour mot ce que le prophète alayhi salatu wasalam avait mentionné. Et malgré le grand nombre des Romains, les musulmans n'ont pas subi un lourd tribut. Naam, ils disent qu'il y a une douzaine de personnes qui sont décédées. Naam, et ils ont mentionné 10 hommes, parmi eux Zayd ibn Haritha, parmi eux Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhum. Et cela montre comment Allah subhanahu wa ta'ala préserve ses serviteurs, et que al-mu'min, il est fort de par son dîn, pas de par son nombre. Et aujourd'hui, les musulmans sont nombreux, mais ils n'ont pas la qualité du tawhid qu'avaient les sahaba. Ils n'ont pas la qualité de la soumission devant les ordres d'Allah qu'avaient les sahaba. Et ils n'ont pas l'envie du paradis comme l'avaient les sahaba. Et ils n'ont pas, yani, la taqwa comme l'avaient les sahaba. C'est pour cela qu'ils vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et que les sahaba, malgré leur nombre qui était peu, qui était minime devant les autres, na'am, ils ont dominé les plus grandes puissances mondiales, radiallahu anhum. Il y a, yani, pour finir, quelle fut la finalité de la bataille? Les savants ont mentionné trois avis. Certains ont dit, les musulmans sont repartis avec proche d'une victoire, mais les Romains n'ont pas été battus. Ça, c'est un premier avis. Le deuxième avis est de dire que les musulmans ont subi une défaite. Le troisième avis est de dire que les musulmans ont obtenu la victoire. Et parmi les preuves qui montrent qu'ils ont reçu le secours d'Allah et qu'ils ont obtenu cette victoire, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Khalid ibn al-Walid a pris l'étendard, il a dit Yaftahu Allahu alayhi, Allah va lui ouvrir, Allah va lui donner la victoire. Naam. La deuxième chose, c'est que les musulmans ont réussi à repartir et à tenir tête à une des plus grandes puissances mondiales, alors qu'ils étaient 3000, et les autres étaient plus de 100 000. Naam. Et ça en soi, c'est une victoire. Ça en soi, c'est une victoire, de pouvoir repartir, naam, la tête haute dans cette situation. Et d'autres ont dit un avis qui est entre les deux. Ils ont dit que les musulmans, certes, sont repartis avec proche de la victoire, mais on ne dira pas que les Romains ont perdu. Car lors de la victoire, c'était connu que le victorieux restait sur l'endroit 3 jours. Naam, et ça n'a pas été fait. Et c'était connu qu'il y avait des asra, il y avait des captifs, il y avait, et cela n'a pas eu lieu. Quoi qu'il en soit, on voit ici la grande valeur des compagnons. On voit ici la grande place des compagnons et que personne parmi les compagnons d'un prophète n'a pu égaler ces hommes, radiallahu anhum. Ce sont des hommes qu'Allah a mentionnés dans les livres avant même leur venue au monde. Naam. Dhalika mathaluhum fit Torah wa mathaluhum fil Injil. Allah Azza wa Jal nous dit, voici leur exemple, leur mention dans la Torah. Quant à l'Injil et ensuite la suite des versets. Naam, de Surat al-Fath, si mes souvenirs sont bons. Dans ce récit, on voit que la suprématie n'est pas donnée par al-unsuriyya, par la couleur, par le lien, par les origines. Parce qu'en face des musulmans, il y avait des tribus qui avaient la même origine qu'eux, qui se sont alliés avec les Romains contre eux. Naam. Mais eux étaient comme un seul et même cœur, comme un seul et même corps, sous la parole de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc si les musulmans veulent être élevés et anoblis, il leur faut revenir à ce din. Il leur faut revenir à ce din, étudier le tawhid et le concrétiser. Étudier la sunnah et s'y accrocher, s'y cramponner. Naam. بارك الله فيكم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وللأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل Allahumma aslih aba'ana. Allahumma aslih aba'ana. Allahumma aslih aba'ana. Allahumma aslih zawjatina. Allahumma aslih zawjatina. Allahumma aslih zawjatina. Allahumma aslih dhurriyatina. Allahumma aslih dhurriyatina. Allahumma aslih dhurriyatina. Allahumma shfi mardana arda al-muslimin. Allahumma shfi mardana arda al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu s-salihat.